Comment le mensonge menace-t-il la vérité? Si quelqu'un me ment effrontément, par exemple comme un petit enfant, un jeune élève qui vient de faire un acte répréhensible et qui, sous mes yeux, nie l'évidence et dit à moi ou à la maîtresse ou au professeur, dit « c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi, madame », ou bien comme un politique qui dit effrontément un mensonge évident qui contredit, par exemple, des vérités scientifiques, comme certains ministres même récemment dans le gouvernement d'extrême droite au Brésil qui disait que la Terre était plate et qui voulait l'enseigner dans toutes les écoles. Si quelqu'un me ment donc effrontément à ce point, on pourrait dire que cela banalise en quelque sorte le mensonge et que cela n'est peut-être pas si grave que ça. Ces mensonges, même lorsqu'ils sont énormes, semblent être avant tout pris dans un jeu presque naturel des intérêts. Après tout, pourquoi ne pas mentir? Quand on est dans la compétition, on doit se servir de tous les moyens. Tous les moyens sont bons et je vais devoir prouver à cet enfant qui spontanément veut se dérober, qui même peut-être marque un certain respect pour ce qu'il a transgressé en cherchant à nier qu'il l'a transgressé. Eh bien, après tout, peut-être que c'est chacun pour soi et que finalement, à moi de détromper le mensonge, de vérifier le menteur et donc de prouver la vérité. Mais le mensonge va peut-être beaucoup plus loin que cela, et plus qu'un mensonge effronté, c'est le risque que le mensonge, sa nature même et d'une manière répétée, pourrait faire courir à la vérité elle-même dans les relations humaines qui en fait un danger fondamental entre les humains. Pour le comprendre, il faut d'abord peut-être définir clairement le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Que signifie mentir? Mentir, c'est deux choses probablement. D'abord, c'est dire sciemment quelque chose de faux, ou même tout simplement, mais sciemment et consciemment, ne pas dire la vérité alors qu'on la connaît, et cela non seulement dans mon intérêt à moi, au fond, mais peut-être pour tromper l'autre, et dans le fait, dans l'intention de lui nuire. Le véritable mensonge a deux dimensions indispensable pour qu'on en comprenne la nature et aussi la gravité. Mentir, c'est d'abord, c'est toujours dire quelque chose de faux lorsqu'on connaît la vérité. C'est donc cacher sciemment la vérité que l'on connaît et que l'on pourrait dire. Lorsqu'on dit une erreur sans savoir pourquoi, quand on ignore la vérité, ce n'est pas un mensonge. Si un enfant dit la terre est plate sans savoir qu'elle est ronde, il ne ment pas. Si au contraire, un savant ou un homme politique, pour une raison X ou Y, dit que la Terre est plate alors qu'elle est ronde, eh bien, c'est sûrement dans une intention de nuire, et en tout cas, c'est avec l'idée qu'il connaît la vérité et qu'il ne la dit pas. On appelle mensonge par omission, d'ailleurs, le fait simplement de ne pas dire la vérité et pas simplement de dire une erreur. Le mensonge met donc en cause l'idée même de vérité. Et le comble du mensonge, c'est de dire qu'il n'y a pas de vérité, qu'on ne peut pas chercher ensemble la vérité, qu'il n'y a rien à chercher ou rien à contester, et cela par un calcul même qui vise à nuire à l'espace public, nuire à la confiance aussi entre les individus, le mensonge menaçant alors deux fois la vérité, non seulement une vérité ponctuelle, mais l'ensemble de la croyance dans la vérité, et non seulement une relation individuelle, mais l'ensemble des relations humaines.